T'es prête à tirer pour moi, toi assumer pour moi. Pour que je sois numéro 1, t'es prête à tomber pour moi. Avec toi c'est tout droit, pas de blabla de pourquoi. Je suis pas du genre courtois, mais je vais changer pour toi. T'es mon double, t'es mon binôme, toi t'assumes mieux qu'un bonhomme. T'es la même en hiver, printemps, été ou automne. Pas le temps de bailler, je veux le bif, le pouvoir. T'as pas le temps de brailler, t'es pas dans les bruits de couloir. Tiens, des fois je fais l'enfant. Tiens, parce que je sais que t'es ensemble. Tiens, on n'a pas commencé ensemble. Tiens, mais on a fini ensemble. Tiens, mamma mia, mamma mia, c'est une dinguerie. Elle accepte mon train de vie, c'est mon train de vie. Gangster dealer, gangster dealer. Mamma mia, mamma mia, c'est une dinguerie. Sous le matelas, t'es le meilleur des matelots. Toi et moi ça fait qu'un, et c'est pas des matelas. Rejoins-moi n'importe où dans le monde, ouais c'est ça la fast life. J'suis pas tout le temps dispo, j'suis pas tout le temps présent. J'suis peut-être avec une michto, mais non tu sais que j'plaisante. Fais pas la meuf qui pète les plombs, comme tes potes les tarés. Tu sais que si j'vais faire des ronds, c'est pour que tout soit carré. Tiens, des fois je fais l'enfant. Tiens, parce que je sais que t'es ensemble. Tiens, on n'a pas commencé ensemble. Tiens, mais on a fini ensemble. Tiens, mamma mia, mamma mia, c'est une dinguerie. Dinguerie. Elle accepte mon train de vie, c'est mon train de vie. Gangster dealer, gangster dealer. Mamma mia, mamma mia, c'est une dinguerie. Dinguerie. Elle accepte mon train de vie. Accepte mon train de vie, gangster dealer. Mamma mia, c'est une dinguerie. Elle accepte mon train de vie, gangster dealer. We'll be right back.